Selon le journal internet sud-coréen Tongil News, en date du 20 juillet, le comité de lutte de Songju pour le retrait de Saad, le comité de mesure des citadins de Kimchon contre la disparition de Saad, le comité de mesure extraordinaire pour la sauvegarde du lieu sacré de Songju du bouddhisme Won et l'action nationale contre la disparition de Saad ont tenu une conférence de presse pour exiger des autorités l'arrêt immédiat du fonctionnement de Saad et son retrait. Par ailleurs, le journal internet sud-coréen Minzok Ilbo du même jour a inséré un éditorial pour le retrait des GIs en Corée du Sud.